Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur, et j'habite le meilleur village du monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il regorge de légendes géniales. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'arbre à cœur. Si vous longez la côte en direction du nord, vous finirez par tomber sur une falaise où demeure un cène gigantesque. Il aurait plus de 5000 ans. Et s'il est planté là, au milieu d'une terre rocailleuse où rien ne pousse, c'est qu'il y a une raison. Il y a très longtemps, Vardo, un enfant des ombres, tomba amoureux de Nati, une fée du printemps. Preuve ultime de son amour, il lui offrit son cœur qui prit la forme d'une pierre de nuit. Nati ne la quittait jamais. Malheureusement, la reine des fées fut au courant. Détestant les ombres, elle ordonna à Nati de la briser. La jeune fée refusa et s'enfuit avec son bien-aimé. Furieuse, la reine lança à leur poursuite une horde de soldats. La traque dura des jours et des nuits pour se finir au bord de la falaise. Les amoureux ne pouvaient plus fuir. Ils s'enlacèrent. Les soldats essayèrent de les séparer, mais leur étreinte fut si forte qu'ils se scindèrent en un cène magnifique. Un signe que Dame Nature avait scellé leur union et que personne ne pouvait s'y opposer. Depuis ce jour, les amoureux de la région viennent déposer au pied de ce cène une pierre taillée en forme de cœur, avec l'espoir que leur amour soit aussi puissant que celui de Nati et Vardo. Vous connaissez le podcast Chronique de l'intérieur ? Découvrez sans tarder cette fiction décomplexée qui libère la parole autour d'un sujet encore trop souvent tabou, le transit. On y suit Lou, une trentenaire dynamique. Le hic, c'est que Lou est constipée et ça lui gâche un peu la vie, partout, tout le temps. Suivez son quotidien drôle et touchant, entouré de ses amis, puis sa rencontre avec des experts qui nous éclairent sur le sujet. Chronique de l'intérieur, une série d'un genre nouveau, présentée par Épar, disponible sur votre application de podcast préférée et sur épar.fr.